بسم الله الرحمن الرحيم السلوكان الكلمات طيب ما معنى شهامة ما معنى فاتئة يفتأ ما زال نعم ما معنى نهب ينهب نعم جدا عبيد. ما معنى أشفق يشفق كما يقول quelqu'un qui évanouit يرطمع يرطمع لا انا نو ça c'est تصادم المغمى عليه المغمى عليه نعم quand on dit رمي عليه c'est à dire il s'est évanoui والمغمى عليه c'est l'isme مفعول طيب يرطمع ça veut dire quoi entre en collision ايوا تصادم عن كثب ما معنى عن كثب proximité Comment on dit quelque chose qui se casse, qui se pulvérise ? J'en avais deux, je crois que c'est tashahama. Non. Tahashama plutôt. Tahashama. Tahashama. Ou tahatama. Tahatama, arsante. Comment on dit pansement ? Tadmid. Ah oui, tadmid. Comment on dit saigner avant une hémorragie ? Nazafa. Yanzifu. Quand on dit nazif, c'est l'hémorragie. Ah, c'est du sang. ما معنى عائلة؟ ثم لو ديشي أصحاب العوائل أصحاب العوائل بدي أقول ما هي en fait qu'on des familles. تمام. سندخل في الدرس الجديد مباشرة. En fait non c'est pas tout si long que ça en fait à la par la suite. J'avais mal regardé mais c'était celui le plus long c'est celui qu'on va prendre là aujourd'hui là normalement. Les autres ils sont taille normale. طيب. قال مهن برعت فيها المرأة مهن on va dire c'est une khidma service برعت on a écrit le معنى de برع dans le texte sur le غرق يبرعون سباحة t'appelles معنى يمارسونها بل يبرعونها ici à donne Donc les services sur lesquels ça donne la femme. Là, il va parler de la femme. Et du khayy qu'elle peut apporter de ce qui est à sa portée à elle. Sans qu'il y ait de khayy dans sa religion. Le genre de sujet comment on dit ça déjà? Qui horripile les féministes. Et celles qui veulent donner plus de droits à la femme qu'elle n'en a. Militante pour les droits de la femme, moi je ne sais quoi. Les droits de la femme, ils sont en islam. Pas besoin d'un truc nouveau. Maintenant, s'ils sont lésés, bah, c'est comme tout le monde. Demain, les gouvernés, ils ont aussi les droits. Si les gouvernants les lèsent, on ne va pas faire un syndicat pour ça. Tu vois ? On fait un rappel kitab sunna, et s'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on fait ? On a dit quoi ? Nasbir, fakat. La femme, elle a son droit. Si elle est lésée, nasbir, elle fait dehors. Elle m'a fait un parti, un truc de féminisme, ou je ne sais quoi, ça n'a rien, ça va tomber les mukhalafat. Ça prouve ça, c'est un manque de sobre tout ça. Ce genre de comportement, c'est des gens qui ne patientent pas. Ils veulent leurs droits tout maintenant. Cette dunya, on t'a dit. Nabi Sallam l'a averti, il y aura des choses qui ne vont pas nous plaire. Quand les sbirou hatta talqouni al-haoud, patientez, parce que vous voyez, vous rencontriez auprès de mon bassin. Il faut patienter. Hadith dunya, akada. En Jannah, les gens n'ont pas compris, ça fait la mort, c'est tout. Fait dunya la boud bin ta'ab. Comme à Kala Azawajel, wa ja'ana ba'dahum li ba'din fitna, et asbiroun. On fait certains d'entre vous des fitnas pour d'autres. Allez-vous donc patienter. Rada la boud minon. Taïeb. La chose qui est l'émette est jadida. Mihanun. On vient de dire c'est ma'na khidma. Atiq. Ma'na katif. C'est l'épaule. A'ba. A'ba. Ça c'est le djem de ibu'un. Ibu'un qui veut dire une charge. Ib-un. Hamza détaché. El-Hadana. El-Hadana. Ça, c'est comme ce qui est écrit à côté. Riyad el-Atfal. C'est comme la crèche. Garderie-crèche. même pour Riyad al-Atfal qui est à côté qui vient معنى متقارب ميول معنى un penchant pour quelque chose. تطبيب c'est علاج يعني un traitement. قبالة توليد. Alors là, قبالة c'est comme si elle voulait dire une responsabilité qui est propre à la femme. Là, taulid, c'est tibala, c'est comme la maternité ou le sage-femme. Un métier qui est propre à la femme par rapport à la maternité. Mais en arabe, on dit al-mouallida pour dire une sage-femme, celle qui fait enfanter. Donc après, ça a été flou pour moi le ma'ana. Tayyib. Ghariza, ça c'est l'instinct. Wa ghalizatu. Moumah, c'est l'instinct maternel. Moumah, ça veut dire maternel. Istadhara, yastadhiru, mana hafiza, mémorisé. Fadlan, an, nous on traduit souvent par alors que dire de. Saint-Akoul, at-talibu, yafham, ad-dersa. Fadlan, an, il-alim. Que le talib comprend le ders, alors que dire du savant? Tadbir, ça c'est le fait de tadbir l'humour, c'est le fait de comme le fait de se débrouiller. Hawla hada. Manzili, ça veut dire domestique, ce qui est lié à la maison. Khiyata, hada, c'est la couture. La couture. Khayat, c'est un couturier. Tatriz, hada, c'est le fait de décorer. La décoration, le fait d'orner. Et apparemment, c'était spécifié dans Bil Malabis. Ibtikar, hada, c'est le sens de originalité. Originalité. Zaoukoun, ça c'est le goût. Le goût. Zaoukoun, le goût. Wassa'a, yuwassi'u, c'est élargir. Awana, yu'awinu, ma'na a'ana, yu'inu, c'est comme le fait d'aider, soutenir. Murabbiya, c'est éducatrice, ça vient de tarbiya. Ism fa'il de rabba yurabbi. Je veux dire éducatrice. Qasirun ala. Qasirun ala, c'est écrit en parenthèse, khas, ça veut dire exclusif. Istarna yastarni, maman astarna. Tu connais ça? Demandez. Istarna. Arrahu stagna. Aya, al-alaq. Namana stagna. Ou déjà qu'à dire qu'il y a abasa wa tawalla. Bad. Tu vas le trouver le verset. Amman al-istagna. Pantalahu, tasadda. Celui, en fait, qui se passe d'une chose. Tansiq, ma'na tanzim. Organisé. El amal, ça serait plutôt les espoirs. Tansiq, ma'na tanzim. Peut être organisé. El amal, c'est espoir. Chose que tu espères pour le futur. Ra'a yara'a. Maman a ra'a yara'a. Man a ra'i. Ra'i. Ra'a ou asha. يتطاولون في بنيان من هم؟ رعاة الجمع راعي رعاة والشاء في حديث حديث جبريل رعاة والشاء سنسون البرجين راعي سنبرجين كان راعي رعاة حول Et là, il veut dire en sens de rabba, en fait, d'éduquer, en fait. Taïm. قال هذا عنوان المحاضرات التي يلقاها أحد الأساتذة. أساتذة normalement. Ça c'est le titre d'une محاضرة qui est donnée par un des professeurs. وهذا نصها فلنستمع إليها وليكن نقاشنا بعد أن نستمع إليها. طيب. أولا تربية الأطفال. Éducation des enfants. Petit en âge. تنهض الأمة وتستقيم لها الحياة بتعاون ركنيها. Que la vie de la Umma se tient droit et se dresse par l'entraide de ces deux piliers. الرجل والمرأة, l'homme et la femme. وكل مسير لما خلق له, et chacun est facilité pour ce pourquoi il est écrit. وإذا كان العبء الأكبر يقع على عاتق الرجل, et si jamais la plus grande charge, bien que la plus grande charge soit sur l'épaule de l'homme, فَلَا يَنْفِي ذَلِكَ رِسَالَةِ الْمَرْأَ فِي الْحَيَاءِ, que cela n'empêche pas le rôle de la femme dans la vie. Là il dit رِسَالَة, mais dans le sens du rôle ici. إِذْ تَتَحَمَّلُ مِنَ الْأَعْبَاءِ مَا يُنَاسِبُهَا, étant donné qu'elle endosse comme charge ce qui lui correspond. وَتَقُومُ بِالْأَعْمَالِ الَّتِي تَتَّفِقُ وَتَكْوِينَهَا, qu'elle s'occupe des choses, sinon cette phrase-là je n'ai pas compris, وَتَكْوِينَهَا, il doit y avoir une erreur là je pense de harakat, normalement ça devrait, je crois plutôt تَكْوِينِهَا, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des choses avec lesquelles les choses qui sont appropriées en fait. والمرأة خير من يرعى الأطفال ويشرف على تربيتهم, que la femme est ce qu'il y a de meilleur pour éduquer les enfants et s'occuper de leur éducation. فهي تعنى بعذائهم وملابسهم. C'est pas tourné. Comme s'il disait qu'elle s'occupe de leur alimentation et de leur habillement. Je ne sais pas comment on dit la tourna. Après, Inch'Allah. Wa tamnahuhum min al-hinan ma yulbisuhum thawab thawab afwan as-sihati inda al-marad. Et qu'elle leur accorde justement la rahma et la compassion de laquelle qui leur accorde le vêtement de la santé lors de la maladie. C'est une image pour dire que ce que leur donne la mère comme la femme plutôt comme douceur, cela aide à les guérir, une cause. والاستقرار عند الخوف والقلق, également l'apaisement lors de la peur et des inquiétudes. وتهئئ لهم جو المرح واللعب وينشؤون نشاطا طبيعيا, et qu'elle leur facilite justement le climat propice pour le jeu et ce qui leur permet de pouvoir grandir d'une façon naturelle, évoluer de façon naturelle. Nashayan sha'u, il a dit grandir, dans le sens de grandir ici. Wa min huna najahat Al-mar'atu al-murabbiya. C'est de là qu'est ressortie la femme éducatrice. Ou mudarrisa fi dawr al-hidana. Ou alors l'enseignante dans la garderie. Wa riyad al-atfal, ou la crèche. On a dit c'est les mêmes à peu près. Haythu yajidu al-tiflu fi marhalatihi al-ula. Du fait que l'enfant trouve dans sa première étape, c'est-à-dire première étape de l'école scolaire, fi tilka ad-dur. Dans ces, à la base d'our, c'est le diable de dar, mais il veut dire par là dans ces instituts, dans ces établissements. Kariban mima yajidu fi baytihi min al-inaya wa ri'aya wa al-ihtimam bi talibi bi mutalibi. Naam. Qu'il trouve justement à peu près l'équivalent ou quelque chose qui est proche de ce qu'il trouve dans sa maison comme soin et comme importance qu'on lui accorde. Quand qamat niswatu kathirat bi amalihinna, que beaucoup de femmes ont accompli leur tâche. Fi riyad al-atfal wa dour al-atfal, dans les garderies et dans les crèches. Wa dour al-hadana khayrun qiyam. Elles ont accompli leur tâche, là ça revient à la première phrase, de la meilleure des façons. Hatta wajadna ba'd al-atfal yata'allaqu bi murabbiyatihi wa bi muallimatihi ta'alluquhu bi ummihi. À tel point qu'on a eu certains des enfants qui sont accrochés à leur enseignante ainsi qu'à leur institutrice comme ils l'ont fait avec leur mère. Thaniyan at-tamrid. Tamrid, c'est le fait, comme le fait yani d'être infirmière. والمجال الطبي والتمريض فرع منه. Donc le domaine médical et infirmier en est une branche. عمل يناسب طبيعة المرأة. C'est un travail qui correspond à la nature de la femme. ويتفق مع ميولها وقد باشرته المرأة منذ أقدام العصور. Et c'est une chose justement qui coordonne avec son penchant et que la femme justement y a eu souvent affaire depuis une époque lointaine. Aqdam, c'est l'infantil de Qadim. On dit les anciens temps. Wa tarikh al-mar'a al-muslima bi khassa. Et surtout, l'histoire de la femme muslima. Hafilun bi akhbar niswatin kumna bi hadha al-amal al-jalil. Que justement, l'histoire est remplie de faits de femmes, justement, qui ont rempli cette tâche, cette noble tâche. Wa laqad kunna yakhrujna ma'a al-mujahidin fi al-ghazawat. Qu'elle sortait avec les combattants lors des batailles. Liyakumna bi'amalihinna fil jihad, pour appliquer leur travail lors du jihad. Min tadmid al-juruh, comme le fait de panser les blessures. Wa tamrid al-musabin, et de soigner les blessés. Wa batha al-amal fi nufusihim, et de leur donner espoir, de leur rendre espoir. Wa qad qamat bidhalika al-amal al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha. Et parmi les femmes qui ont fait cette tâche-là, également, il y a eu Aïcha. وَخَدَمَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَسَلَمْ وَقَامَتْ بِتَمْرِيدِهِ فِي أَيَّمِهِ الْأَخِيرَةِ. Et qu'elle s'est occupée de le soigner dans ses derniers jours. مَعْرُوفَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَى سَلَمْ, avant de mourir à la fin, استَأْذَنَا مِنِسَائِهِ, qui pouvait se faire soigner et rester chez Aïcha. Et là, Ntambi, par rapport à ça, ça ne veut pas dire que ça s'appelle Al-Ikhtilat. Les machines ont expliqué que les femmes qui sortaient pour le djihad, elles sortaient avec leur maharim. D'accord ? Et là, en plus, c'est un cas de daroura, très important. Et c'était couverte. Qu'est-ce que c'est, Alec ? Bah, des fois, c'est une cas de daroura. Comme aujourd'hui, de faire une femme, elle a un truc à faire, mathalène, et il n'y a qu'un homme pour la soigner, elle aura le droit de se faire soigner chez lui. Ou le contraire. T'as un homme, tu as une maladie, qu'une femme qui peut te bloquer, peut te soigner, tu vas te faire soigner chez elle. Là, c'est des cas de daroura, tout ça. Alors aujourd'hui, on a plein de docteurs, alhamdoulilah, on a plein d'hommes qui s'en occupent, mais à l'époque, la plupart des hommes, c'était plus eux pour le combat qu'ils allaient. Et les musulmans, c'était pas comme maintenant, c'est nombreux. Al-Qibala. Alors chez les Qibala, j'ai pas vraiment trouvé l'équivalent, mais je pense qu'il veut dire, il fait allusion là à la maternité. Wa hawla hadha. Wa ma'a murur al-ayyam futihat al-ma'ahid li fanni at-tamrid. Donc, après que les jours soient passés, des instituts ont été ouverts pour apprendre à l'infirmerie. La fun, quand il y a un fun, c'est une branche. À la base, un fun, c'est un art. Mutafan Dinoun sont des artistes. Mais on dit par exemple dans les ulum, ada fun nu hada nahu. On va dire que lui, par exemple, sa science, son domaine, c'est le nahu. Ada fun nu al aqida. Lui, son fun, là où il est fort, c'est l'aqida. Ada fun nu al mustalah, mathalan. Le funun, le jam. Walita delis, usul al biqala. Il pourra apprendre les bases de la maternité. وَهِيَ مِنْ أَعْمَلِ الَّتِي بَرَعَتْ فِيَا لَمْ أَرْأَى C'est parti parmi les œuvres à laquelle la femme s'est adonnée. وَتَكَادْ تَكُونُ قَاصِرَةً عَلَيْهَا Et qui est quasiment exclusive. D'accord ? Mais aujourd'hui, malheureusement, on trouve justement des sages-femmes hommes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là, mais ils sont là. D'accord ? Ce n'est pas leur travail. Les femmes souvent se plaignent où on voudrait faire le travail. Ben, empêcher les hommes de faire ce travail-là. Ils n'ont rien à faire. On n'a pas besoin d'eux. Maintenant, un chirurgien pour des choses importantes comme césarienne, rien que le mot sage-femme, ça veut tout dire ou pas? Tu vas voir un homme, tu sais quoi, tu fais quand tu travailles, il va dire je suis sage-femme. Les gens vont rigoler. Sage-homme, je connais pas. Je connais pas sage-homme. Ça n'existe pas, sage-homme. Quelqu'un arrive, c'est quoi ton métier? Je suis sage-femme. Il dit, t'as pas honte? Il dit, laisse les femmes faire ce travail-là. C'est pas un travail pour toi. Et elles savent très bien le faire. C'est pas un truc sur lequel l'homme, il a des spécificités que la femme n'a pas. Ce que l'homme fait dans ce domaine-là, la femme peut le faire. Peut-être mieux que lui encore. Parce qu'elle ressent ce que la femme ressent dans la douleur de l'accouchement. L'homme, il sait pas, il connaît pas sa miskine. Peut-être qu'il aura les connaissances médicales, mais le vrai ressenti, c'est la femme qui va l'avoir, c'est pas lui. Donc dans ce bubble-là, il sert à rien. Il sert à rien. قال ومما ساعد على نجاح المرأة parmi les choses qui ont aidé à la réussite de la femme. في هذا الميدان أن في هذه المهنة إشاعة لغليظة أمومتها. Donc parmi les choses qui ont aidé à la réussite de la femme dans ce domaine-là, d'accord? C'est le fait qu'elle a son instinct naturel, comme on vient de le dire, qui aide. Son instinct maternel, on va dire, qui l'aide. Instinct qui n'est pas présent chez l'homme. Li'atifatil hanan wa rahma. Pour ce qu'elle a comme affection qu'elle donne et comme rahma. Mais bon, c'est que souvent les femmes entrent à l'akhi, c'est la shidda. Je me rappelle même avant, à l'Asaf, les femmes disaient je préfère aller voir un gynéco homme, car il est plus doux. Elle disait, moi je vais voir un homme, les femmes font trop mal, elles n'ont pas de pitié, elles nous font trop mal. Les hommes, ils sont plus doux, délicats. Bah oui, il est plus doux parce que lui, quand il va faire ça, il va. C'est un pervers celui-là, tu vois. Gynéco homme, franchement, c'est un métier. Aouzoubillah. J'aimerais parler, une fois, il a parlé d'une sexologue, femme spécialiste dans les pénis des hommes. Il a dit, elle sert à quoi? Quelle situation c'est ça? Et pour les hommes, laissez un homme s'occuper de lui. Et à la base, c'est un métier de femme, purement. Gynécologue, c'est un métier de femme purement. والمرأه تكون في قمه السعاده que la femme est au sommet du bonheur حينما تدخل السرور على النفس بائسه تعاني من الالم من الم المرض lorsqu'elle rend justement la joie dans une personne qui subit par exemple une douleur ou une angoisse, elle l'aide justement à l'apaiser des affres de la maladie. رابعا التدريس l'enseignement. أتقنت المرأة فن التدريس que la femme a bien rempli sa tâche dans l'enseignement. Quand on dit أتقن là-bas, c'est faire une chose vraiment minutieusement avec précision. فكانت مدرسة ومعلمة منذ فجر الإسلام qu'elle était une enseignante, une institutrice depuis l'aube de l'islam. فسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعي كل ما تسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وتستذهره أكثره que Aïcha, مثلا, elle retenait tout ce qu'elle entendait du message d'Allah صلى الله عليه وسلم et le mémorisait ou la plupart. ولذلك نجد كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم يستفتونها ويسألونها الرأي فيما يختلفون فيه. C'est pour cela que tu vois beaucoup de sahaba qui retournent vers elle pour demander des fatawa ou l'interroger dans des choses sur lesquelles il diverge. Aïcha, c'était une alima, la plus savante des femmes. Et bien sûr, il interrogeait une wara hijab, elle était derrière un hijab quand il leur parlait. Ce qui prouve que la femme peut enseigner à l'homme, à la base, c'est permis. La femme qui a une science, mais indirectement. Avec des shurut, que le mahram il est présent, qu'elle, avec sa voix, elle ne fait pas de complaisance avec sa voix, et les alika. Yajouz akhdh al-ilm min al-mar'a. Mais bon, c'est aussi un cas où Aïcha, des choses que seule elle pouvait connaître. Ben aujourd'hui, c'est fini ça. D'accord? Les femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ont su des choses que seule elle pouvait connaître. Mais là, maintenant, c'est tellement propagé que maintenant, alhamdoulilah, tu ne peux pas dire je suis à la Belém, vous allez voir Sheikha Foulaine. C'est-à-dire, ouais, les mecs, ils vont t'apprendre pareil. Tu dis, non, je vais aller voir Fulana. Pourquoi? Parce que je préfère prendre la sens de cette femme-là, Inch'Allah. Laisse l'enseigner aux femmes et tu vas voir les hommes. Fi kifaya lak. Wa qad mala'at al-mar'atu faragan kabira. Que la femme a bouché, comblé un grand trou. Fi madaris al-banat faqamat bi tadris mukhtalifin al-mawad. Dans les écoles des filles, bonne précision, tu vois. Ils ne visent pas par là le fait qu'elles enseignent tout le monde. L'école des filles, en enseignant différentes matières. Fadlan anma takhassasat fihi. Alors que dire de ce dans quoi c'est spécifié? Les choses dans lesquelles elle s'est spécialisée. Ka tadbir al-manzili. Comme مثلاً, les choses liées à la maison. Alladhi athbatat fihi najahan la yatayassaru mithluhu illa laha. Alors les choses dans lesquelles elle a réussi et qui ne sont facilitées que pour elle, pour la femme. Et ce n'est pas du tout à cause de son châne que de s'occuper bien d'une maison. C'est dur de s'occuper d'une maison. Je regarde souvent les chambres des célibataires comme un son. Tu vois que c'est un homme. Tu vois. El Armel El Menziliya. Maintenant, il parle des tâches ménagères. Ou El Beitu La Yastarni An El Mar'ati Qat. Que la maison ne se passe pas du tout de la femme. Ou El Mar'atu Daïman Tajid Nafsaha La Tastarni Anhu. Et que la femme, كذلك, ne se passe pas de cela. ومعروف ان زوجتها هي ربة البيت. Il est connu que la femme, c'est elle qui est justement la maîtresse dans la maison. فيتقوم بسائر الاعمال المنزليه. Elle s'occupe de toutes les tâches ménagères. من طهور للطعام, de s'occuper de la nourriture. واعداد لغرف المنزل, préparer les chambres de la maison. وتنسيق لها او وتنسيق لما فيها من الفراش والاثاث, d'organiser tout ce qui comporte à tout ce qui est mobilier. Mais t'as des femmes, t'as aussi des hommes qui savent le faire, ça. L'homme de cuisiner, t'as des hommes qui sont très forts dans la cuisine. Mais l'homme peut cuisiner aussi. Même aider à la maison, c'est pas un mania. Mais c'est sûr que c'est plus dans le domaine de la femme, faire le tâche. Hatta yajid ar-rajulu fi baytihi bard ar-raha. À tel point que l'homme trouve dans sa maison la fraîcheur du repos. Quand il rentre, tout est propre, tout est net, franchement, c'est une ni'ma. Quand l'homme y rentre, quelle que soit la tâche qu'il ait fait extérieure, les gens l'ont fatigué, les pressions sont à gauche, il rentre à la maison, il trouve sa maison rangée, en propre. Franchement, ça rentre, c'est lourd chez lui. Par contre, il rentre, c'est le fort, tout est cassé, tout est. Là, il rentre, alors là, c'est le. Après, il se met en colère, il me dit, pourquoi tu te mets en colère? Elle ne comprend pas, elle ne réalise pas ce qu'il ressent quand il rentre chez lui et veut trouver un calme. Et ça, c'est une chose que beaucoup de femmes n'arrivent pas à comprendre. Parce que l'homme, il rentre chez lui, qui trouve une maison bien ordonnée, bien rangée, wallah, ça amène dans son nefs une paisibilité, elle n'imagine même pas. C'est-à-dire, comme s'il disait, toute la journée, on m'a fatigué, le seul repos que je vais avoir, je vais trouver chez moi avec ma femme et mes enfants. Et il arrive, c'est encore un combat. Pour ça, souvent, les frères rentrent à la maison, des fois, ils sont mauvais humeur. Ils rentrent, ils vous trouvent la maison, ils disent, oh là là. Les enfants, ils crient, l'autre, il dit, Abi, il m'a fait ça, l'autre, il dit, ouais, mais l'autre, il m'a fait ça, ça se chamaille. T'arrives, tes affaires sont cassées, sont éparpillées. Wakaza, wakaza. La clé n'a bout de sabr. Wa na'im al-istikrar. Et le bienfait de. Lorsqu'il s'installe chez lui. Wa tamam al-sa'ada. Et un bonheur complet. Wa sadaqa Allah subhanahu wa ta'ala. Iz yaqul. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, véridiquement, lorsqu'il a dit. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Non, لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il dit parmi ces signes qu'il est créé de vous-même des femmes pour cohabiter avec elles. Il a mis entre vous de l'affection, de la miséricorde. Il y a certains cela des signes pour un peuple qui réfléchit. سَادِسًا الْخِيَاطَ وَالتَّطْرِيزِ. La couture et la décoration. من انواع التدبير المنزلي فن الخياطه والتطريز. Parmi justement les choses qui sont liées aux tâches domestiques, مثلا, il y a l'art de la couture et de la décoration. وقد برعت فيهما المراه, que la femme s'y est bien grandement adonnée. ووصلت الى ابتكارات دلت على رقه ذوقها. Et qu'elle arrivait à un niveau d'originalité qui démontre justement comment on appellerait ça, la finesse de ses goûts. Wa futihat bi fanni al-khiyata li nisa kathirat. Et que justement, le fun de la culture a été ouvert à beaucoup de femmes. Que cela a ouvert à beaucoup de femmes, plutôt, à Abwa Berizq, des portes pour la subsistance, pour qu'on puisse travailler. Combien de femmes a pu élargir sa famille وعاونت زوجها ايدي son mari ووصلت الى غايه الامال بابنائها pour arriver à un grand espoir pour ses fils en طريق هذه المهنه الشريفه par le biais de ce service de cette fonction de cette noble fonction qui est la couture qui a aidé par exemple en faisant cela à avoir même elle un salaire qui a aidé son mari lorsqu'il est en difficulté ou pour pouvoir مثلا faire des vêtements pour les enfants, ce qui fait que le mari n'a pas en acheter, et les alikas. C'est une chose très importante, ça. Très importante. Le couturier à la maison, c'est une niama. Ça raffaffe de beaucoup de choses. Hakaza najidu an al-mar'a fi hadhihi al-mihan al-hamma tuqaddim khidmatan tayyibatan al-mujtama' fi majalat tunasib tabi'ataha wa unuthataha. Et c'est pour ça que tu vois que la femme, dans justement cette khidma, ce service très important, elle donne une grande aide à la société dans des domaines qui correspondent à sa nature et à sa féminité. Et qu'il éloigne des lieux de mixité et de dépravation. Mais aujourd'hui, c'est devenu quoi pour les femmes? C'est un retard pour elles, soi-disant. La femme émancipée, ouais, t'es couturière à la maison, t'es femme au foyer, c'est une honte. Bouge-toi, bats-toi, va de l'avant. Allah Oustan. Et tu vois, malheureusement, beaucoup de choses à avoir par ce discours-là. Alal Asaf. Tayeb. Aujourd'hui, on prend juste le texte, on parlera des arabes demain, inshallah. C'était un peu long. Enfin, les câbles qu'elle émette. Et on va inchallah ننظر الاعرابات ولعلنا سندخل في الدرس الذي بعده والحمد لله رب العالمين